Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nahmadullah azza wa jal akram al-akramin alladhi manna alayna bimithli hadhi al-majalis majalis al-dhikr التي فيها نتفقه في دين الله جل في علاه ونصلح بها أنفسنا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأل الله الحي القيوم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité ce genre d'assises dans lesquelles nous apprenons notre religion, dans lesquelles nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous réformons. Ces assises sont, comme nous l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des jardins du paradis et un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour le serviteur le bien. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et les pas que vous faites lorsque vous sortez de chez vous pour venir à la mosquée avec l'intention d'apprendre votre religion, l'intention d'assister au cours, ce sont des pas par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera un chemin vers le paradis. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Car notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Wa talabu al-ilm, ibadah, azima, min ajalli al-ibadat, falabudda fiha min al-ikhlas. Et l'étude de la science, l'apprentissage de la religion, est une des meilleures adorations. Il nous faut donc absolument être sincères dans cette démarche. Il nous faut absolument être sincères dans la recherche de notre science. Sinon, tous ces efforts ne donneront aucun fruit. Tous ces pas, toutes ces heures passées, toutes ces notes, toute cette mémorisation, ta présence et la mienne, tout cela n'aura aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est avec l'ikhlas, si ce n'est avec la sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion droite. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Wa yaqulu an-nabiyul karim alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, et chacun sera rétribué selon son intention. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Celui donc qui aura fait l'égir pour Allah et son messager, son égir lui sera compté pour Allah et son messager. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Et celui qui fait l'égir à la recherche de ce bas monde ou d'une femme qu'il souhaite épouser, son égir lui sera compté comme tel. Son égir lui sera compté comme tel. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le très haut dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant dans celle-ci un associé, je le délaisse lui et son association, ou bien lui et son associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que yawm al-qiyamah, que le jour de la résurrection, le jour où le contenu des cœurs sera dévoilé, les intentions et les croyances exposées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là s'adressera aux gens et leur dira que ceux qui ont agi pour autre que moi aillent chercher leur récompense auprès de ces gens, auprès de ces créatures. Que ceux qui ont agi pour autre que moi, ceux qui ont agi avec ostentation, ceux qui ont associé Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils se dirigent vers ceux pour qui ils faisaient ces actions fi dunya et qu'ils regardent ce qu'ils y trouveront. Subhanallah. Et sans aucun doute, ils ne trouveront aucune récompense. Ils ne trouveront aucune récompense. فَلَبُدَّ أَن نَتَذَكَّرَ هَذَا الْأَمْرَ الْعَظِيمِ. Il nous faut donc absolument que nous nous rappelions cette chose ô combien importante, إِصْلَاحُ النِّيَّاتِ, le fait de constamment surveiller notre attention, notre intention et ce pourquoi nous nous déplaçons, ce pourquoi nous étudions. وَقَدْ يُعْجِبُ الْمَرْ بِنَفْسِهِ. Et il se peut que la personne s'étonne d'elle-même. إِذَا كَثُرَ الْحُضُورِ. Du fait qu'il voit beaucoup de monde dans son assise. Il se peut que l'étudiant s'étonne de ses efforts et pense qu'il est arrivé à un certain niveau, ou bien qu'il est agréé chez Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il a étudié un livre et l'a terminé, puis un second et l'a terminé, puis un troisième et l'a terminé. Alors le shaitan lui vient et lui dit, il n'y a personne de plus fort que toi, c'est toi le meilleur de la cible, tu as étudié tel livre et tel livre et tu connais telle et telle sourate du Coran. هذا الشيطان الرجيم عدو لك يسعى لإبطال عملك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان est votre ennemi déclaré. Prenez-le donc en tant que tel. يوسوس لكم. Il vous insuffle de mauvaises idées et vous fait croire que vous êtes arrivé à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et que vous avez mis vos pieds au paradis. Allahu a'lam biman qubil. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait celui qui a été agréé auprès de lui et dont les actions ont été acceptées chez lui. Tabaraka wa ta'ala. Fala budda an tas'a fi hadhihi al-hayati ad-dunya bayna al-khawf wal-raja. Il te faut donc absolument que tu empruntes le chemin dans ce bas monde avec comme provision l'amour et la crainte, ou plutôt l'espoir et la crainte. Avec l'espoir et la crainte, tu agis, tu espères qu'Allah accepte de toi, tu agis, tu espères qu'Allah te récompensera, tu agis, tu espères qu'Allah te maintiendra sur la vérité. Mais en même temps, tu as peur qu'Allah n'accepte pas tes actions. Car tu connais ta personne et ses déficiences, tu connais ta personne et ses imperfections, tu connais ta personne et tes péchés. Et tu sais qu'Allah mérite bien plus que cela. Et tu sais que c'est Allah qui t'a facilité tout ce que tu as fait. Et tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait aimer la foi, qui t'a guidé à l'islam, qui t'a permis d'accomplir l'action, qui t'a aidé, t'a assisté. فَلَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc personne n'a la capacité de passer d'un état à un autre, d'un mal vers un bien, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُوَفَّقُ يَتَوَاضَعْ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمًا. Donc celui à qui Allah voulu le bien, dans l'étude de la science, dans la mémorisation, dans la compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal, plus il étudie, plus il fait preuve d'humilité, plus il respecte ses camarades, plus il se voit petit, contrairement à celui qui a une mauvaise intention dans la recherche de la science. Aussi minime soit sa science, il parle sans jamais s'arrêter dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il répond, bighayri ilm, sans science. Il s'égare lui-même et fait du mal aux autres. Et comme a dit le Hafid al-Mizzi, rahimahullah ta'ala, si seulement l'ignorant maintenait le silence, il se serait fait du bien à lui-même et aurait laissé les autres en paix. L'ignorance, il se serait tu, il se serait reposé lui-même et aurait fait du bien aux autres. Il y a les ulama, amthal al-nujum, qui sont à l'image des étoiles. Ils ornent ce bas monde. Par eux, Allah Azza wa Jal a embelli cette dunya. Par eux, Allah Azza wa Jal guide les gens. Et par eux, Allah subhanahu wa ta'ala lapide les shayateen. Tout comme c'est le rôle des étoiles. Puis il y a la deuxième catégorie de personnes, les ignorants qui savent qu'ils sont ignorants. Alors ils se taisent et lorsqu'ils veulent savoir une chose, ils posent la question à ceux qui savent. Et la catégorie de laquelle tout le mal provient, c'est ceux qui sont juste au-dessus des ignorants. Ils ont un tout petit peu de science. Et ils ignorent qu'ils sont ignorants. Ils ont un tout petit peu de science, mais ils ignorent qu'ils sont ignorants. Alors ils rentrent dans les affaires qui concernent les gens de science et les étudiants. Alors ils parlent dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Ils s'égarent eux et égarent autrui. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous mettant en garde contre ces gens à venir. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enlèvera pas la science en l'enlevant de la poitrine des savants directement, mais par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, à ce moment-là, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés sur des sujets. Ils répondront sans science, ils s'égareront et égareront autrui. إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالمصيبة كل المصيبة من هؤلاء. Le mal, tout le mal provient de cette catégorie. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْزَمُوا الصَّمْتَ وَالْأَدَبُ فِي الْعِلْمِ فَلْنَتَّقِ اللَّهُ وَالنَّرْجِعِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَشْكَلَ فِيمَا بَيْنَنَا بَعْدَ الْمَسَاءِ. Nous devons tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala, maintenir le silence et observer les nobles caractères. Et si des sujets nous posent problème, il nous faudra à ce moment-là revenir aux gens de science et les questionner sur ce dans quoi nous avons divergé ou que nous ignorons à la base même. Voici un rappel que j'adresse à ma propre personne ainsi qu'à vous-même. وبالله التوفيق. في آخر الدرس دخلنا في باب الاستنجاء وأخذنا شيئا منه أو كثيرا منه بحمد الله تبارك وتعالى. فعلى قصد الله سبحانه وتعالى la semaine passée, ou plutôt mercredi, na'am, nous sommes entrés dans le chapitre Al-Istinja. Al-Istinja, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau ou autre chose après avoir fait ses besoins. Après avoir fait ses besoins. Ce chapitre, dans les livres de fiqh, en général porte l'une de trois appellations. La première, tu l'as su durant le, à l'occasion du dernier cours, Babu Al-Istinja, le chapitre de Al-Istinja. Ist bima'ana talab. Ist, ce préfixe, en général, a comme sens la demande de. Naam. Fa. استنجاء أي طلب النجو والنجو هو القطع والنجو هو القطع تقول نجوت الشجرة إذا قطعتها tu dis tu utilises le mot نجوت الشجرة l'arbre pour dire j'ai coupé l'arbre. Donc الاستنجاء littéralement c'est le fait de rechercher, de demander la coupure de la nuisance, c'est-à-dire après avoir fait ses besoins. Naam. Wal murad qat'u al-adha ay ma kharaja min as-sabilayn al-bawl aw al-gha'id min al-qubul aw al-dubur. Donc la personne, lorsqu'elle se nettoie avec de l'eau après avoir fait ses besoins, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche à enlever d'elle la nuisance. Naam. Les savants ont dit de ce chapitre, qui a été intégré dans les livres de fiqh, qu'il fait partie des preuves qui nous montrent le caractère parfait de cette religion. Naam. Car une législation dans laquelle on t'enseigne le comportement qu'il faut lorsque tu vas faire tes besoins, les bienséances pour accomplir ces besoins, c'est une religion qui n'a rien omis. Naam. C'est pour cela que certains savants disaient من علم الناس آداب الخراءة لن يتركهم في العبادات. Certains savants disaient, celui qui a enseigné aux gens dans leur religion le comportement pour faire ses besoins ne les délaissera jamais pour leurs adorations. Naam. Si on t'a enseigné des règles aux toilettes, que dire alors pour la prière? Que dire alors dans les adorations? Donc c'est une religion complète et parfaite. Et certains savants ont utilisé ce chapitre pour réfuter toute innovation. À l'image de Cheikh Souleymane al-Rahili, hafizahullah ta'ala. فَلَيْسَ النَّاسِ بِحَاجَةٍ إِلَى الْبِدَعِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Et lorsqu'un homme a dit à Salman al-Farisi, votre prophète vous a tout enseigné au point de vous avoir enseigné le comportement à avoir aux toilettes. Salman a répondu, Ajal, certes, naam, certes, et dans cela il n'y a aucun défaut, c'est plutôt une perfection. Mais de par l'ignorance du locuteur, il a pensé qu'avec cela il y avait une réfutation possible contre cette religion. والحمد لله. فالاستنجاء في الاصطلاح هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحاجة أو نحوه. Donc l'istinja, c'est le fait de nettoyer ce qui est sorti par devant ou par derrière avec de l'eau ou des pierres ou d'autres choses semblables. ويقال كذلك الاستجمار. On appelle cela également l'istijmar. Certains savants disent que l'istinja, c'est le fait de nettoyer avec de l'eau ou des pierres ou des choses semblables. Quant à l'istijmar, c'est le fait de se nettoyer mais avec des pierres ou des choses semblables. D'autres savants ont dit que ces deux mots, al-istinja et al-istijmar, font partie des mots idajtama'a iftaraqa wa idaftaraqa ijtama'a. Ils font partie des mots qui, lorsqu'ils se trouvent réunis dans une phrase, ont des sens différents. Si dans une même phrase il y a al-istinja et al-istijmar, al-istinja sera le fait de se nettoyer avec de l'eau. Al-istijmar sera le fait de se nettoyer avec des pierres ou des choses semblables. Par contre, si on trouve un seul mot, soit l'istijmar tout seul ou l'istinja tout seul, alors il aura le sens des deux, soit en se nettoyant avec de l'eau ou avec des pierres. Ceci est l'avis de certains savants. Et la personne n'a pas l'obligation d'utiliser les deux, c'est-à-dire se nettoyer avec des pierres ou autre. Exemple à citer au jour d'aujourd'hui serait le papier toilette. Celui qui utilise le papier toilette n'a pas l'obligation par la suite d'utiliser l'eau. Et celui qui a utilisé l'eau n'a pas l'obligation par la suite d'utiliser le papier toilette. Mais le mieux est d'unir entre les deux, en commençant par le fait de se nettoyer avec mada, le papier toilette par exemple, et de finir par de l'eau. Quant au contraire, c'est-à-dire la personne qui utiliserait par exemple de l'eau puis s'essuierait avec des pierres, ça n'est pas une bonne chose en général. Pourquoi ? Car il va se salir. Et il pourra répandre des nuisances. Il pourra répandre des nuisances. Celui qui utilise des pierres ou bien du papier toilette aura enlevé la plus grosse partie de l'impureté. Par la suite, il finit avec de l'eau. Ceci est la meilleure chose. Quant à celui qui utilise un peu d'eau, puis utilise par exemple des pierres ou autre chose, il n'ajoutera pas de la propreté. Au contraire. C'est pour cela que certains savants disent que c'est makruh de faire cela. Puis nous sommes entrés dans Sunan Qada il Haja, ay mustahabbatuha. Les choses recommandées. Premièrement, le fait de dire Bismillah, donc avant d'entrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is. Il invoque Allah Azza wa Jal, dit Bismillah, ou Allah cherche protection auprès de toi contre le mal et contre les shayatins. Deuxièmement, lorsqu'il sort, il dit Ghufran, ou Allah pardonne-moi. Et les savants ont cité plusieurs, ont tenté d'expliquer la sagesse de cette parole. De dire oufranak, de demander pardon à Allah Azza wa Jal à ce moment précisément. Certains savants ont dit, la personne, lorsqu'elle sort des toilettes, s'est débarrassée d'une chose qui lui nuisait. Il avait un besoin, donc il est parti aux toilettes et ressort allégé de cette nuisance. Sahih. À ce moment-là, il dit oufranak, ou Allah pardonne-moi. Et en demandant pardon, il allège sa personne de ce qui lui nuit comme péché. En allant aux toilettes, il s'est déchargé de la chose qui lui nuisait à son corps, à sa personne. En ayant reçu ce bienfait, il se rappelle d'une autre chose qui lui nuit, ses péchés. Alors il demande à Allah de lui pardonner à ce moment-là pour qu'il le décharge, tout comme il l'a déchargé de ce qui lui nuisait, de ses péchés. C'est une explication qui a été donnée par certains saints. Il y en a d'autres qu'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a jugé peu probable. Comme le fait de dire, on demande pardon à Allah Azza wa Jal à ce moment-là, car la personne qui était aux toilettes ne faisait pas de dhikr. Alors pour avoir maintenu ce silence sans dhikr, en sortant, elle demande pardon à Allah Azza. Ibn Uthaymin a dit que cette parole-là était faible. Pourquoi? Car il a maintenu le silence par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a pas désobéi. Il n'a pas désobéi. Tout comme la personne qui maintient le silence pour une raison valable. Elle n'a pas désobéi. Troisièmement, taqdimu rijl al-yusra al-yusra dukhulan wal-yumna khurujan. Troisièmement, entrer avec le pied gauche et ressortir avec le pied droit. Quatrièmement, s'il est dehors, s'il fait ses besoins dehors, yustahabbu lahu l'ibti'ad wa l'istitar 'ani an-nas. Il lui est recommandé de s'éloigner et de se mettre à l'abri du regard des gens. Cinquièmement, la yakshifu 'awrata hatta iqtariba min al-ard. Il ne découvre pas sa nudité, si ce n'est après s'être rapproché de la terre. Voici pour Sunan Qadha il-Hajj. Puis, nous sommes entrés dans le chapitre Makruhat Qadha il-Hajj. Les choses qui sont détestables lorsque la personne va faire ses besoins. Premièrement, istiqbal ou mahab birrih. Premièrement, se diriger en, ou se mettre en direction du vent. C'est-à-dire que le vent souffle vers toi et toi tu fais tes besoins, tu urines par exemple en direction du vent. Car on redoute que la nuisance revienne sur toi. Deuxièmement, al-bawlu fi shaqqin wa nahwi. Deuxièmement, le fait d'uriner, donc dans un trou. Troisièmement, massu al-farj bil yamin. Troisièmement, toucher son sexe avec la main droite. Quatrièmement, al-istinja ou al-istijmar bil yamin, le fait de se nettoyer avec la main droite, que ce soit en utilisant de l'eau ou autre chose. Cinquièmement, al-kalamu fil khala'i bil hajj, le fait de parler aux toilettes sans nécessité. Pour information, il n'y a pas de. Les savants disent qu'il n'y a pas de preuve qui montre que c'est interdit de parler aux toilettes. Car beaucoup disent, c'est interdit de parler aux toilettes. Ils disent à leurs enfants, c'est interdit de parler aux toilettes. Ce qui est interdit, c'est ce qu'Allah a rendu interdit. On nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, tu éduques l'enfant, mais tu ne lui dis pas d'une chose qui n'est pas muharrama shar'an, qu'elle est muharrama shar'a. Donc il faut faire attention à ce point. Puis, nous sommes entrés dans muharramat qada il-hajj, les choses qui sont interdites lorsque la personne va faire ses besoins. Premièrement, le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Car tu vas la polluer, tu vas la rendre mada, impure, tu vas lui nuire, et si tu ne la rends pas impure, mada, les gens ne voudront plus en tirer profit. Il y aura un dégoût, même si l'eau est abondante. Quant à l'eau qui n'est pas stagnante, donc quant à l'eau qui n'est pas stagnante, à la base elle n'a pas le même jugement. Deuxièmement, al-bawl wal-gha'it fi tariq an-nas aw fi dhill an-nafi'. Deuxièmement, le fait d'uriner ou de faire ses besoins de manière générale sur le chemin des gens ou dans un endroit où les gens se rassemblent, comme par exemple à l'ombre d'un arbre. Troisièmement, at-tabawul wat-taghawwut tahta shajaratin muthmira. Le fait, donc troisièmement, le fait de faire ses besoins sous un arbre fruitier. Quatrièmement, istiqbal al-qibla wastidbaruha fi hal qada al-haja liman yaqdi hajatahu fil kharij bidun ha'il baynahu wa bayna al-qibla. Donc quatrièmement, parmi les choses interdites, celui qui va faire ses besoins, le fait de se diriger en direction de la Qibla ou de donner le dos à la Qibla, donc à la direction de la Mecque, de la Kaaba, pour la personne qui fait ses besoins à l'extérieur, alors qu'il n'y a pas entre lui et la Qibla de rempart. Est-ce que c'est clair? Donc la personne qui fait ses besoins dehors n'a pas le droit. S'il n'y a rien entre elle et la direction de la Qibla, elle n'a pas le droit de faire ses besoins. Soit en se dirigeant vers la Qibla, soit en donnant le dos à la Qibla. Quant à la personne qui est à l'intérieur, chez elle ou autre part, il y a un rempart, cela n'a pas le même jugement. Cela n'a pas le même jugement. Nous poursuivons le cours. Donc ceci était à titre de révision. La preuve de cela, hadith Abu Ayyub, hadith Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا أو غربوا. Prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il ne se dirige pas en direction de la Qibla, mais qu'il se dirige plutôt vers l'est ou l'ouest. Ça c'est dans le cas où la Qibla de la personne est au nord ou au sud. تتمة الحديث la suite du hadith فقدمنا الشام. Abu Ayyub continue le hadith. Il nous dit que lorsqu'ils se sont rendus fi Sham, la région de la Grande Syrie, ils ont trouvé qu'il y avait des toilettes faites en direction de la Qibla. Faites en direction de la Qibla. Il nous dit, on faisait nos besoins, ensuite on demandait pardon à Allah. On faisait nos besoins, ensuite on demandait pardon à Allah. Si le fait de se diriger vers la Qibla ou donner le dos à la Qibla n'était pas muharram, interdit, il n'aurait pas dit à la fin du hadith wa nastaghfirullah, et on demandait pardon à Allah. Et on demandait pardon à Allah. Et la preuve de la distinction faite entre celui qui fait ses besoins dans un endroit et celui qui les fait à l'extérieur et l'union des différents ahadith dans le sujet. L'union des différents ahadith dans le sujet. Par exemple, Abdullah ibn Omar nous dit: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر nous dit qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire ses besoins dos à la Kaaba. Mais il était où? Il était chez lui. Il était chez lui. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous interdit une chose. Et on voit que dans d'autres textes, il a fait une chose. Et que les sahaba ont compris cette chose. En unissant les hadiths, les savants ont dit ce que vous avez entendu. Il y a aussi le hadith de Jabir. Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il est authentique. Wa radiyallahu an Jabir. Naha nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi bawl. Faraytu qabla an yaqdi. عفوا قبل أن يقبض بعام يستقبلها. جابر رضي الله عنه nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a interdit de nous diriger vers la Qibla. Donc comme vous devez tous le savoir, la Qibla c'est la direction de la prière, c'est la direction vers la Kaaba, vers la Mecque plus précisément la Kaaba. Puis il nous dit, mais, et j'ai vu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un an avant qu'il décède, se dirigeait vers la Qibla en faisant ses besoins. Naam, en faisant ses besoins. Donc, si tu es dans un endroit où il y a une construction ou bien il y a un rempart entre toi et la Qibla, c'est permis. Si tu es à l'extérieur et il n'y a pas de séparation entre toi et la Qibla, c'est interdit. Il y a un autre hadith. عن مروان قال أناخ بن عمر بعيره مستقبل للقب مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي أليس قد نهي عن هذا قال بل إنما نهينا أو نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيئا يشترك فلا بأس. أسنه الألباني رحمه الله تعالى. مروان جاء ابن عمر وبين أبي ابن عمر arrêter sa monture, son chameau, et le fait s'asseoir. Allahu alam, c'est dit un verbe plus approprié. Ulama al-lughat al-faransi. Il y a un verbe précis. C'est pas français. C'est de quelle origine? De l'Argentine. Allahu akbar. Tu es donc argentin, comme ça qu'on dit? D'origine. Naam. Toi, t'es pas français, toi. T'es noir. Aïe. T'es de quelle origine? T'es maléen? Sénégalais? Naam. T'es un soninké? Aïchou d'hikouk. Aïe. Il nous dit donc qu'il a fait s'asseoir son chameau, est descendu, s'est dirigé vers la Qibla et a uriné. Alors Marwan s'est étonné de cela et a dit à Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas interdit cela? Abdullah ibn Omar lui a dit, radiallahu anhuma, ceci est valable pour celui qui fait ses besoins à l'extérieur. Naam. Ceci est valable pour celui qui fait ses besoins à l'extérieur, dans un endroit. Par contre, s'il y a entre toi et la Qibla quelque chose, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est bon. Ishkalun wa jawab. Une problématique à laquelle les savants ont répondu. Dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, lorsqu'il est parti fi Sham et qu'ils allaient aux toilettes, en sortant, il faisait quoi? Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette connaissance, après avoir su ce que nous avons cité ici, ne vous pose pas problème? Nous avons dit, nous sommes entendus sur une chose. C'est que celui qui est dans une construction, qui est à l'intérieur, ou bien qu'il y a un rempart entre lui et la Qibla, c'est permis qu'il urine en direction de la Qibla. Abu Ayyub nous dit, wa nastaghfirullah, et on demandait pardon à Allah Azza wa Jalla. Comment répondre à ce ishka? Est-ce que vous avez compris la problématique? C'est comme s'il y avait en apparence une contradiction. Donc, qui répond et ne se trompe pas. Indamen. Qui a la réponse? qui pense avoir la réponse. Tu penses à moitié ou tu mets ta main jusqu'à ton menton? Tu penses avoir la réponse? Tafadhal. Je croyais que ça dépend. Il savait pas peut-être vers quelle direction il était? Non. Il savait pas. J'ai pas compris. Mon avis, t'as dit un hadith, mon avis, il savait pas. Il savait pas quoi? Il savait pas que c'est que à l'extérieur. Il savait pas que c'est que à l'extérieur. Jazakallahu khayr. Na'am. Les savants ont répondu à ce ishkal, comme nous l'a dit notre frère, Hafidahullahu ta'ala. Qalu Abu Ayyub, radiallahu anhu, amam ma'ah, lam ya'rifu bil ahadith al-maqsousa. Ils ont dit Abu Ayyub et ceux qui l'accompagnaient n'avaient pas eu connaissance des textes spécifiques permettant d'uriner, de faire ses besoins en direction de la Qibla pour la personne qui est dans une construction. Na'am. Pour la personne qui fait ses besoins alors qu'il y a une séparation entre lui et la direction de la Qibla. Wal mu'min مطالب بأن يعمل بعلمه ولا يلام على غير ذلك. Et le croyant, il lui est demandé, il lui incombe d'agir selon la science qu'il a. Naam, selon la science qu'il a. Et on ne peut pas lui faire de reproches sur ce qu'il a ignoré à la base. Le point suivant, شروط صحة الاستجمار. شروط صحة الاستجمار أي بالعصر. Le point suivant, vous notez les conditions pour pouvoir faire al-istijmar. Les conditions pour se permettre de faire al-istijmar, c'est-à-dire de se nettoyer avec des pierres ou des choses semblables. Awalan, alla yata'adda al-kharij mawdi' al-'ada. Naam. Premièrement, Al-Khali al-Adha, al-Bawal al-Ra'id. Donc, premièrement, que l'impureté, que ce soit l'urine ou les excréments, ne dépasse pas l'endroit habituel, l'endroit de base. Que l'impureté ne dépasse pas l'endroit habituel, l'endroit de base. La personne qui fait ses gros besoins, par exemple. L'endroit de base, c'est, akramakumullah, c'est son anus et ce qu'il y a proche de cela. Halaqatul dubur. Donc ce qui est proche de cela. Fa in ta'adda ka an wasala an-najasa ba'idan ila al-fakhidh mathalan, fa laysa lahu an yastajmira bil 'asr. نعم بالجمار فحينئذ لا يصح الاستجمار ولا بد من الاستنجاء بالماء لأن الرخصة في العفو خاصة بحلقة الدبور وما هو قريب منه. Donc reprenons ici, nous citons les conditions pour se permettre de s'essuyer après avoir fait ses besoins avec des pierres ou des choses semblables. La première condition pour pouvoir faire cela, que lorsque tu as fait tes besoins, ça n'a pas dépassé, c'est-à-dire l'urine ou les excréments n'ont pas dépassé, ne sont pas allés se mettre en dehors de l'endroit de base. En dehors de l'endroit de base. Dans le cas où, donc dans le cas où la personne va à la selle, mais que ce qui est sorti d'elle, ses excréments, ne sont pas restés dans l'endroit de base. D'accord ? Par exemple, ça a touché de sa cuisse. D'accord ? Cela peut arriver pour une personne, par exemple, qui est malade. Dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de s'essuyer seulement avec des pieds. Dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de s'essuyer seulement avec des pieds. Car cette permission est propre, cette permission n'est que pour nettoyer donc le derrière de la personne et ce qui est proche de l'endroit de la sortie. D'accord ? Cette permission, elle est que pour cet endroit tout particulièrement, pas pour un autre endroit. Si elle se retrouve dans cette situation, elle n'aura pas le droit de se restreindre à cela. Elle aura l'obligation de se nettoyer avec de l'eau. Elle aura l'obligation, à ce moment-là, de se nettoyer avec de l'eau. Est-ce que c'est clair ? Deuxièmement, أن يكون المستجبر به المستجمر به طاهرا. Deuxièmement, que ce avec quoi il veut s'essuyer soit pur. Ce avec quoi il veut s'essuyer soit pur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de prendre une chose impure pour s'essuyer. Il n'a pas le droit de prendre une chose impure pour s'essuyer. لأن المراد بالطهارة لأن المراد التطهر نعم والتنزه et la personne qui va utiliser une chose sale ou bien impure plutôt pour s'essuyer, comment est-ce qu'elle peut utiliser une chose impure pour enlever l'impureté? نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. La preuve de cela est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire ses besoins et m'a ordonné de lui rapporter trois pierres, c'est-à-dire pour s'essuyer. J'en ai trouvé deux, mais je n'ai pas trouvé de troisième pierre. Alors je lui ai amené du crottin. Il a pris les deux pierres et a jeté le crottin. Il a pris les deux pierres et a jeté le crottin et a dit ceci est impur. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Que nous n'avons pas le droit de nous nettoyer, de faire l'istijmar avec une chose impure. Troisièmement, Allah yakuna al-mustajmaru bihi عظمًا ولا روثًا. Troisièmement, nous n'avons pas le droit de nous nettoyer avec des eaux ou du crottin. Vous me corrigez si la traduction est erronée. Ou si vous en avez une meilleure. جزاكم الله خيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم بدون لفظ من الجن. والزيادة من الجن رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous nettoyez pas avec du crottin ni avec des eaux. Ni avec des eaux. Car Ceci est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Car ceci est la nourriture, ou bien les provisions de vos frères parmi les djinns. Rapporté par l'imam Muslim, sans le mot parmi les djinns. Et l'imam al-Tirmidhi a cité cet ajout. Mais l'imam al-Tirmidhi a cité cet ajout, rahimahoullah. Quatrièmement, Allah yakuna ta'ama bani Adam wa baha'imihim. Quatrièmement, il ne faut pas que ce avec quoi la personne veut s'essuyer fasse partie de la nourriture des fils de Adam, des gens, ni de leurs animaux. Naam, tu n'as pas le droit de t'essuyer avec une chose qui fait partie de l'alimentation des gens ou l'alimentation des bestiaux, des bêtes, des gens. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما أي أذكر لكم الآن الدليل على منع صحة الاستجمار بطعام الآدم أو بهائمه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم والإنسان أفضل فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وبهائمهم من باب أولى. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer après avoir fait nos besoins avec les eaux et le crottin. Et la raison de cela est que c'est les provisions et la nourriture des djinns. Naam, de nos frères parmi les djinns, les muslimouns. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ça pour cette raison, les savants ont dit que les humains et leurs bestiaux sont plus nobles, sont meilleurs. Alors à plus forte raison, on interdit de se nettoyer, de s'essuyer avec la nourriture des humains et de leurs bestiaux. Cinquièmement, ayakoun al-mustajmaru bih munqiyan. Munqiyan. Cinquièmement, que la chose avec laquelle tu veux te nettoyer après avoir fait tes besoins soit une chose qui nettoie, naam, qui ôte ou diminue l'impureté. Et anna al-maqsoud bil istijmar al-inqa bidalili anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha ay yustanja bi aqall min thalathati ahjar. Et là, pourquoi c'est interdit de s'essuyer avec une chose qui n'enlève pas, naam, vraiment, ou bien convenablement, les impuretés? Pourquoi? Car le but, lorsque tu fais les stijmar, lorsque tu les nettoies, c'est d'enlever la nuisance. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'essuyer, de se nettoyer avec moins de trois pierres. Avec moins que trois pierres. D'accord? Pourquoi? Car avec moins que cela, tu n'es pas sûr d'avoir atteint ton but. Sixièmement, Allah yakun al-mustajmaru bih muhtaraman. Muhtaraman. Sixièmement, que la chose avec laquelle tu veux t'essuyer ne soit pas une chose respectable. Ne soit pas une chose respectable. مثل الكتب والمجلات لا سيما الشرعية, comme les livres par exemple, des feuilles de livres, ou bien de magazines, ou les journaux plutôt, pour que ce soit plus clair. قال الله ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة. Certains savants ont dit, si mes souvenirs sont bons, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dans le sharh de Zad al-Mustaqna' al-Mumti', il dit même si tu as la certitude que cette chose ne contient pas le nom d'Allah, même si tu as la certitude que cette chose ne contient pas le nom d'Allah, à partir du moment où c'est une chose respectable, tu ne l'utilises pas pour t'essuie après avoir fait tes besoins. Septièmement, Allah yakun al-mustajmaru bih muttasilan bi haywan. لأن الحيوان له حرمة وإذا كان طعام الحيوان ينهى عن الاستجمار به فهذا من باب أولى. Septièmement, le fait que ce avec quoi tu veuilles t'essuyer n'est pas de rapport avec les animaux. Car si la bête a la nourriture des animaux, tu ne dois pas l'utiliser pour t'essuyer, à plus forte raison la bête elle-même. Non. Huitièmement, أن يمس مكان خارجي ثلاث مرات على الأقل. Huitièmement, tu dois t'essuyer au minimum trois fois. Tu dois t'essuyer l'endroit au minimum trois fois. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. سلمان الفارسي nous rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de nous essuyer avec moins de trois pierres. Avec moins de trois pierres. Neuvièmement et dernièrement, أن لا يبقى في المحل إلا ما لا يزيله إلا الماء. أن لا يبقى في المحل إلا ما لا يزيله إلا الماء. Neuvièmement, donc parmi les conditions qui te permettent d'utiliser les stigmas, de te nettoyer avec des pierres ou des choses semblables, c'est qu'après d'être nettoyé avec cette chose, il ne reste plus rien, si ce n'est ce qui peut être ôté qu'avec de l'eau. Naam, nous conditionnons pour pouvoir faire al-istijma, donc s'essuyer avec des pierres ou des choses semblables, qu'en utilisant cette chose, à la fin, il ne reste plus rien. Si ce n'est la chose qui, pour être enlevée, doit forcément être enlevée avec de l'eau. Est-ce que c'est wadih? Celui qui va à la selle, fait ses grands besoins, et qui se nettoie avec trois pierres, ou bien trois feuilles, est-ce qu'il restera quelque chose, ou bien il sera propre, comme s'il s'était lavé avec de l'eau? Dites-moi. Ibrahim. Il restera quelque chose. Non, ça ne sera pas comme s'il avait utilisé de l'eau. وَهَذَا مَعْفُوعًا. Ceci est excusé. Ceci est excusé. Mais s'il reste au-dessus de ça, s'il reste au-dessus de ça, هُنَا لَا يُرَخَّصْ لَهُ بِالِسْتِجْمَعَ لَا بُدَّ مِنْ مَاذَا الْإِسْتِنْجَعَ. Mais dans le cas où d'utiliser donc cette chose-là laisserait quand même plus que ce que je vous ai cité, dans ce cas-là, il serait obligé d'utiliser de l'eau. Il nous reste le chapitre sur Siwak, et Inch'Allah Ta'ala, nous entrerons dans le chapitre sur Al-Wudu. Et juste une remarque avant de finir. Lorsque les savants disent qu'il faut au minimum s'essuyer trois fois, d'accord, et qu'ils citent les pierres, sachez que l'obligation est ce que nous avons cité, c'est-à-dire de s'essuyer trois fois. C'est pas forcément d'utiliser trois choses vraiment différentes. Je m'explique. Celui qui a une pierre plate, d'accord, qui est assez large et qui a trois côtés, cette pierre a trois côtés, il s'essuie avec le premier côté, puis utilise le deuxième côté, toujours avec la même pierre, puis avec le troisième côté. Est-ce qu'il a rempli son obligation ou pas? Le savant dit oui, il a rempli son obligation. Non, oui, il a rempli son obligation. Et on conclut en disant, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a complété notre religion. Dans quelle autre religion que l'islam, vous allez trouver des textes aussi parfaits, aussi complets que cela? Dans quelle religion en dehors de l'islam vous allez trouver une propreté aussi pure que celle-ci? Naam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on citera certaines notions sur la circoncision. Certaines notions sur la circoncision. Je vais m'absenter à partir de mardi prochain pour une durée de 9 jours, Inch'Allah ta'ala. Il n'y aura donc pas cours la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas cours la semaine prochaine. Donc que celui qui est présent prévienne celui qui est absent. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.